Salut les bonitos, ça faisait longtemps, on est super contents de vous retrouver. Pour vous dire, j'ai travaillé sur cette intro à 3 reprises. Dans le premier jet, je vous souhaitais Happy New Year. La deuxième version, je vous envoyais du love pour la Saint-Valentin. Et pour la troisième, bah celle-ci, on est presque en mars, mais j'ai envie de vous dire, les bonitos, que je vous souhaite tout ça quand même. Alors, Jogging Bonito est toujours là pour vous distraire, vous faire rire, râler ou tout simplement vous énerver. Le premier podcast francophone dédié à la course à pied ne vous laisse pas tomber. On me dit dans l'oreillette que la dénomination « premier podcast francophone dédié à la course à pied » est une appellation contrôlée. Va falloir aller vérifier donc auprès des autres autorités médiatiques. Il paraîtrait qu'il y a plusieurs définitions. Donc, excusez-moi, je retire mes plus plates excuses. Moi, je déclare Jogging Bonito le world best podcast. Au moins, on est tranquille. De toute façon, hein, premier, deuxième, troisième, on s'en fiche. On est premier dans votre cœur. Les Bonitos, c'est ça qui nous intéresse. C'est ça l'essentiel. Et meilleur David, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, moi, j'en pense qu'il est vrai que nous avons eu beaucoup de plaintes sur les réseaux sociaux. Les gens vont envoyer des messages privés d'abord, puis ils nous ont affichés en public hein, pour se venger. Ils se sont mis à se regrouper tous les samedis à Paris ou dans les grandes villes de France pour protester et jeter des pavés. Ça nous a un peu dépassé, on l'avoue. C'était pour ça. Mais on comprend, on est prêt à assumer, à rendre l'argent et s'ils renvoient leur petit coupon de remboursement par lettre postale et on étudiera leur réclamation sous 45 semaines. Rendez l'argent aux abonnés. Dans les meilleurs délais. C'est ça. Ah là là. On va dire un petit mot pour nos bonitos. T'es content de les retrouver toi aussi? Très heureux, très très heureux. Très heureux de reprendre les recordings avec vous les amis. Et aussi de pouvoir partager à nouveau des aventures et des discussions philosophiques peut-être autour de la course à pied avec vous. Métaphysique même. Métaphysique, c'est le mot. C'est le mot. Bon, avant de commencer cet épisode, moi je voulais mentionner le fait qu'on envisage de faire une émission live en avril. Il s'avère que je serai en France, donc nous allons en profiter pour se rencontrer en vrai, nous trois. Et on essaie de voir si on pourrait vous embarquer dans l'aventure aussi, les bonitos. Donc si ça se fait, ça aurait lieu le vendredi 12 avril à Paris, en soirée. On va faire passer un sondage pour avoir une idée du nombre de personnes qui seraient réellement intéressées et capables de venir. Donc il est important d'avoir une bonne estimation pour savoir ce qu'on fait et où on le fait. Donc les bonitos, on espère que vous répondrez au mieux dans la plus grande sincérité. Voilà. Et d'ailleurs, toute suggestion de lieu est la bienvenue, que ce soit pour un live ou juste pour se rencontrer, bar, restaurant, salle. Les options sont ouvertes, donc si vous avez une idée, n'hésitez pas, vous nous contactez soit par email à joggingbonito@gmail.com ou bien Twitter ou via nos comptes Instagram respectifs. Et enfin, comme il s'avère que ça tombe sur le week-end du Marathon de Paris et que notre cher émir était déjà engagé pour y participer, eh bien moi-même et mon playboy personnel nous sommes inscrits aussi. Donc voilà, on va être 3 bonitos en goguette dans les rues de Paris. Enfin, je l'espère, ça dépendra de mes adducteurs qui ont décidé de faire les malins. Donc, en tout cas, les bonitos, je serai là, soit sur le bitume avec vous ou sur le trottoir pour vous encourager. Et on serait ravis de partager tout ça avec vous. Et disclaimer, quand même, le seul RP au programme, Émir, je pense que tu ne vas pas me contredire, c'est de juste bien se marrer. Hein. On prévoit rien de ça. Ça me va bien comme performance, ouais, c'est ça. Voilà. Je vous imagine en meneur d'allure avec une armée de bonitos derrière vous. Mais faites-moi plaisir et emmenez-moi tout le monde en 6h01. 6h 6h00. Attends, on a 6h, non, mais on prend les 6h, quoi. Non, 6h01. Pour voir ce qui se passe après. 2 secondes de plus, pour voir si on nous empêche de mettre le pied, passer le pied. Tu vas faire quoi? Ça serait intéressant, ça, voir ce qui se passe après. Mais on en avait parlé ou pas? Il y a une nouvelle, le petit nouveau visuel d'ASO sur cette politique de sortie des barrières horaires, non? Ah oui, il y a une infographie, je crois. Bon, la petite infographie, là, ils ont l'air beaucoup plus gentils maintenant. Peut-être que pour la science, justement, pour la science, il faudrait essayer ce petit 6h et quelques. Bah écoute, tu crois que c'est possible de faire en marchant 6h? Ça fait vite quand même, non? Ça fait vite, ouais. Mais tu peux en courir un peu, en marcher un peu, et ou alors, on peut y arriver. Que tu peux faire. Ouais, ou alors tu finis le machin comme tu veux, et ensuite tu retournes dans le truc. Et tu fais Tu fais en sorte de voir ce qui se passe autour des 6h. Ça peut être intéressant, ça, à analyser. Bien, après toutes ces mises à jour, il serait temps de s'attaquer au cœur de l'épisode, non ? Pourquoi pas ? Alors c'est parti, ce premier épisode de 2019 vous propose deux chroniques intitulées « Notre perception de la normalité est-elle la même selon notre niveau ?» et « Ce point au loin dans ma tête ». Jingle. Jingle bells. On va commencer par lever le voile sur ce dernier titre assez énigmatique, ce point au loin dans ma tête. Alors, imagination, motivation, volonté, il est question de tout ça dans la chronique que nous propose David. Wow. Souvent, lorsque je cours, j'emporte mon Walkman Sony Megabass, sur lequel j'ai enregistré ma propre compilation des tubes de l'année 1989, tels que La Lambada de Kaoma, Eternal Flames des Bangles, mais aussi Jason Donovan, Kylie Minogue, Paula Abdul, Michael Jackson, The Cure, et j'en passe. Mais je finis toujours par lâcher les écouteurs, notamment parce que la bande magnétique s'est enlevée ou emmêlée à l'intérieur de la cassette, et je n'ai pas de stylo bic dans mon kit de survie de coureur pour la rembobiner. Ça fera plaisir aux puristes pour qui c'est plus noble, tu vois, de lever les cuisses tout en écoutant, pour en citer un particulièrement poète que j'ai retrouvé sur un groupe Facebook dernièrement. Le chant de mes pas, le souffle de mon cœur, avec un S, les encouragements des oiseaux et des écureuils. Et là j'imagine Tic et Tac en pom-pom girl en train d'épeler très fort mon nom sur le bord de la route. J'en frémis. Honnêtement, j'aime beaucoup courir tout en contemplant la flore, en écoutant le chant des oiseaux et des oiselles, le bruissement des feuilles, le craquement des branches et non de ma hanche, ou le ruissellement de la rivière. Mais j'avoue que la plupart du temps, j'arrête d'écouter de la musique parce que je suis myope comme une taupe, et va savoir pourquoi j'ai ce réflexe que vous connaissez peut-être de réduire le bruit autour de moi pour chercher mon chemin, ou tenter de distinguer un obstacle qui survient, un danger ou autre chose qui nécessite soudain mon attention. En l'occurrence, ce dont je vais vous parler, c'est ce point presque à l'horizon, là-bas, au bout de l'immense ligne droite, cette forme qui s'immisce de façon quasi inopportune ou imprévue dans votre paysage, troublant sa régularité, altérant sa linéarité. Je vous laisse imaginer un ultra sur une route interminable en Nouvelle-Zélande ou un marathon dans la vallée de la mort en Californie. Comme par hasard, hein, Margie. C'est beaucoup trop loin pour être sûr, mais ce n'est pas une hallucination car d'abord vous n'êtes pas émir qui végète habituellement sur un gros caillou en total manque de sommeil, et vous êtes en allure confortable. Vous n'avez même pas encore dépassé les 19 km/h, hein, c'est dire. En tout cas, c'est là à 1 ou 2, peut-être 5 ou même 15 km, c'est dur à dire quoi. Est-ce un animal, un arbre ou une énorme pizza 4 fromages ? Eh bien moi, je prends les paris dans ma tête et j'imagine tout ce que ça peut bien être. Tout y passe. Toutes les hypothèses. Bigfoot, le Yeti, le Dahu, E.T., la bête du Gévaudan ou ma belle-mère en short. Plus 1 km. Un panneau marquant le bout du monde. Non, Marlène Schiappa, Galilée n'a pas dit que la Terre était plate. Plus 2 km. Olivier Hatton, ultra-marathonien sur terrain de foot, qui a l'endurance de Sylvain Bazin et la VMA de Greg Runner. Plus 3. Plus 3 km. Jean-Baptiste Poquelin qui répète « I love this game » dans un téléphone à ficelle. Plus 4 km. Franck Ribéry en pleine conférence TEDx pour expliquer comment déguster au mieux des côtelettes en or. Plus 5 km. Mironton ou Barge à Bulles, 6 km. Plus 6 km. Les compagnons d'Ulysse en léthargie qui l'évitent dans l'Odysseus en attendant que son fichu GPS fonctionne et retrouve le chemin de la Terre. Pardon, le vaisseau traverse un long tunnel qui fout la merde dans l'espace-temps. Plus 7 km. Charlie Bucket et son ticket d'or qui m'attend pour un ravito 100% chocolat sponsorisé par Willy Wonka. Plus 8 km. Michael Jackson n'est pas mort, c'était bien un complot orchestré par la CIA. Et il m'attend à l'horizon pour taper un moonwalk, car pour lui aujourd'hui c'est leg day. Plus 9 km. Les supporters de Courir pour la vie avec Christine Boutin qui s'apprête à lancer une hola à mon passage. Je fais demi-tour, je rends mon dossard et j'écris un post incendiaire sur Instagram. Vous allez me demander, pourquoi tu fais ça ? Et c'est vrai que lorsque je laisse filer mes pensées, souvent ça tourne mal. mais je suis instinctivement persuadé que ça m'apporte dans ma pratique. Nous avons cherché à savoir pourquoi, enquête au cœur des méandres de mon esprit, c'est un reportage signé moi-même pour Jogging Bonito. J'ai d'abord cru qu'il fallait privilégier la piste de la pleine conscience et que mes délires visuels étaient en fait des scans environnementaux, une attention portée vers un environnement, enfin vers mon environnement, pour être bien ancré dans le présent. En effet, à travers la thérapie dynamique par le running, TDR, qui est chère à William Pullen, on en vient à se poser les questions suivantes. Que vois-je devant moi? Est-ce proche de moi ou éloigné? Quel est le point le plus éloigné sur lequel mon regard peut se porter à l'horizon? Quel est l'objet le plus éloigné que je suis le moins sûr de distinguer? Et qu'est-ce que ça peut bien être? Et on laisse filer ses idées. C'est une étape qu'il appelle l'enracinement. Une façon aussi de se relier avec la nature. On dit souvent que c'est à travers elle qu'on réduit son stress, qu'on améliore son humeur, qu'on gagne en concentration ou en intuition. D'ailleurs, surmonter un obstacle naturel comme une pente difficile favorise un sentiment d'accomplissement ou de progrès. On l'a tous un peu éprouvé. Pour arriver à mon point qui se trouve au loin, qui je l'espère n'est pas mon prof de maths de 4e au collège, je peux également appliquer d'autres exercices de pleine conscience comme compter le nombre de pas du pied gauche pour l'atteindre ou compter le nombre de pas jusqu'au moment où je distinguerai plus clairement ce que c'est que ce point au loin. En espérant qu'il apparaisse assez tôt de manière à faire demi-tour s'il s'agit d'un gang de blogueurs de running. J'aime bien cette hypothèse. Je crois néanmoins qu'il faut la compléter par une autre que je vous soumets en vous garantissant que je ne suis pas sous l'emprise de Malto saveur Red Bull. Donc voici un petit exercice. D'abord un petit travail préalable de respiration, un moyen de se recentrer sur soi, hein, la base de toute aventure intérieure. Ensuite j'imagine que je suis un double de moi. Donc à ce stade on a déjà perdu 350 auditeurs, on est d'accord. Je m'observe de près, j'essaye d'énumérer les sensations que je suis en train de vivre, mes douleurs, mes zones de tension ou au contraire de relâchement. Puis je vais m'imaginer en double de moi en train de me dépasser sur le trajet. L'espace entre ce double et moi s'agrandit jusqu'à ce qu'il rejoigne petit à petit le point au loin. Je fais faire à ce double plusieurs allers-retours entre moi et l'objet qui attire mon attention à l'horizon. Donc il peut me narguer parce que lui il sait maintenant ce que c'est exactement. Et donc me confirmer que c'est bien une pizza qui m'attend un peu plus loin. Enfin, et je suis sûr que c'est ce que vous allez préférer, je reviens à moi en train de galérer la bave aux lèvres, peut-être un petit peu moins après cet exercice. En réalité, je suis entré dans un état hypnotique. Il s'agit bien là d'auto-hypnose, comme en parle Jonathan Ben Legrou, ou Jonathan s'il en vit, dans son livre « Auto-hypnose et performance sportive » qui est paru aux éditions Amphora. Je n'ai pas le don d'ubiquité, mais je passe plusieurs fois de ce que l'auteur appelle une position associée, c'est-à-dire recentrée sur moi-même, à une position dissociée. Mon double, qui est pas plus beau gosse malheureusement, mais plus objectif car il ne veut pas vivre les émotions, les sensations, mais les observer, les énumérer, m'aider à prévenir ou surmonter un moment difficile, retrouver un peu de lucidité. Le double qui rejoint le point loin équivaut à se mettre un peu plus loin ou en retrait. En clair, cela permet de créer un changement, un état modifié de conscience, et c'est la clé. Je précise quand même pour l'auto-hypnose qu'il faut s'exercer, c'est de l'entraînement mental. Là, ici, j'en explore à peine 1%, même pas. Il y a d'autres aspects théoriques. Je n'ai fait qu'essayer de comprendre pourquoi je délire parfois quand je cours. L'imagination n'est qu'un élément qui a tendance à me faire sortir de ce que je suis en train de faire, mais ça pourrait être autre chose comme de la musique. Il existe aussi d'autres moyens de modifier son état de conscience. Ça va sans doute parler à nos auditeurs, c'est quand on atteint le flow. Pas le truc qui manque cruellement à la plupart des rappeurs français de la dernière génération, hein, mais cet état euphorisant lorsqu'on a l'impression d'être à la fois acteur et spectateur. C'est très proche de l'auto-hypnose. La différence, c'est que le flow n'est pas quelque chose qui se travaille, se provoque, il vient à vous. On peut l'expliquer, bien sûr, hein, il y a des conditions à réunir pour l'atteindre. Si vous voulez, on le fera plus tard, peut-être dans une prochaine chronique. Voilà, donc j'espère que vous avez compris que je ne cherche pas à faire une présentation de la thérapie dynamique par le running ou l'auto-hypnose. C'est pas une conférence, hein. J'en aurais pas la capacité et je n'ai fait qu'effleurer ce qui me paraît être des pistes pertinentes pour mon cas personnel qui feront peut-être écho à vos propres techniques pour avancer. Peut-être que ça vous donnera envie d'inventer vos techniques. C'est suggéré d'ailleurs dans le cas de l'auto-hypnose ou alors de prendre conscience que vous en avez. N'hésitez pas à nous en parler sur les réseaux sociaux ou sur le Discord de l'émission ou encore à en parler à votre médecin qui connaît sûrement les établissements qui pourront vous accueillir et vous administrer les traitements les plus adaptés. Oh là là. Merci David. Moi j'ai envie de te dire que c'est plus un point au loin dans ma tête là, tu vois, c'est un énorme point d'interrogation. Parce que je me demande si je me suis auto-hypnotisée sans le savoir en courant, on ne sait jamais. À ce point? Maintenant, je me pose la question, tu vois. Et confiance. Émir, t'arrives, toi, de faire ce genre de choses en courant? Soit voilà, imaginer un point. Ah non, je pense que après avoir écouté ça, j'ai vraiment l'impression de passer à côté de quelque chose, là, quand je cours. Ben ouais. J'ai l'impression d'avoir loupé un vrai truc. C'est pas possible. Il se passe rien dans vos têtes? Il se passe rien. Il n'y a pas autant de trucs, tu vois. Il n'y a pas autant d'aventures, quand même. D'aventure. Ah non, on est jaloux. Vous n'avancez pas tel des automates, quoi. Dites la vérité, à quoi vous pensez. Moi, je veux dire, le seul moment où j'ai créé des ghosts de moi-même qui avançaient plus vite que moi sur la piste, c'est dans Mario Kart quand je faisais du contre-la-montre, tu vois. Ça, tu vois, c'est un truc. J'ai jamais fait ça en running, mais je vois que je passe à côté de quelque chose. Ouais, ouais, je sens. Je sens que j'ai loupé un truc. Bah, ouais, ouais. Waouh! Tu vois? C'est inspirant. T'as loupé un truc. Ouais, tu peux te projeter dans Mario Kart à ta prochaine longue course. Tente-le. Ouais. Ça se tente, moi, je dis. Et envoie les bananes aussi, tu sais, pour les concurrents. Les pots de bananes. Ouais, sinon, dans tes rêves les plus fous, Émir, ce serait quoi qui serait le point loin dans ta tête, ce serait quoi? Au bout d'une longue ligne de droite, là, t'as fait, je sais pas, là, c'est la fin d'un ultra. Qu'est-ce que c'est, quoi? Qu'est-ce que c'est au bout, là? Le bonheur. Le bonheur. Oh, punaise, c'est beau. Ah ouais. Matérialisé par quoi? Par le petit point au bout que j'attendrai pas forcément, mais qui est peut-être dans le voyage, justement. Ouh! Waouh! Imagine ce petit point à l'horizon. Tu sais pas ce que c'est, tu te rapproches et tu te rends compte que c'est... C'est juste un petit point, en fait. Rien de plus. Oui, qui me ramène justement à cette fameuse phrase, hein, qui dit que, de je ne sais qui d'ailleurs, un trou dans ma culture ici, qui dit que l'épanouissement est justement peut-être dans le voyage. C'est d'arriver au bout du truc et de se dire, ah ben en fait, il n'y avait rien, c'était dans le chemin, effectivement. Il n'y a rien spécial au bout. Ou alors le bout est en translation constante, un petit peu comme cette image avec le bout de l'arc-en-ciel, le pied de l'arc-en-ciel. Ah, exactement. Hein, l'arc-en-ciel, aller au pied, tu ne peux pas. Ce n'est qu'une illusion. Mais tu peux essayer d'y aller. Et tu peux imaginer qu'essayer d'y aller, c'est un bon moment. C'est un moment d'aventure, en quelque sorte. Tu n'y arriveras jamais, mais le moment d'aventure est intéressant en lui-même. Punaise. Tu nous as monté la discussion d'un cran encore, là, Émir. Je ne sais pas. Attends, Mardi, c'est quoi ce petit point pour toi? Ah, je sais pas. Moi, déjà, tu vois, j'aimerais le voir, le point, là. J'aimerais courir, déjà. Je n'y arrive pas. Ne m'en parle pas. J'aimerais le voir, le point, déjà. Un nouveau jeu d'adducteur. Voilà, c'est ça. En or. Un nouvel adducteur, Magnus. Adducteur Magnus, gauche, s'il vous plaît. Merci. Si les auditeurs, s'il y en a un parmi les bonitos qui a une imprimante 3D... Vous pouvez aider Mardi, dès maintenant. Envoyez vos dons par la poste. Voilà, vous imprimez des adducteurs, hein. De préférence à partir de plastique recyclable et durable. Ah ouais, non, pas de plastique chez moi, s'il te plaît. C'est pas plastique. Du plastique, pardon. Silicone quel est le matériau c'est pas... Il y en a, ceux qui s'y connaissent en imprimante 3D feront le bon choix. Voilà, on va faire confiance à nos bonitos. Voilà. C'est ça. Bon, redescendons un petit peu dans la réalité, dans le sérieux. Alors David, dans ta chronique, tu as parlé de deux notions. Je reprends, la thérapie dynamique par le running et l'auto-hypnose. Ok ? Donc on va commencer par parler de la thérapie dynamique par le running. Donc si j'ai bien compris, ça vient de la pratique de la pleine conscience. C'est ouais. bien ça. C'est courir en pleine conscience. Et des exercices, bien ça. Ouais, exercices de scan environnementaux, tu l'as mentionné. En fait, il existe plusieurs types de scans, corporels, environnementaux et émotionnels. Donc, à travers ton état physique, l'observation détaillée de tout ce qui t'entoure, ce que tu ressens aussi, tu vas avoir une analyse entre guillemets objective. Donc, tu vas pas te juger et tu vas éviter surtout de t'infliger la double peine d'être en souffrance et en plus d'anticiper la souffrance à venir. Donc, en étant bien ancré dans le présent et uniquement dans le présent. Donc, tu ne te projettes pas. Ok. Et donc, toi, tu le pratiques, hein ? J'essaie. Ouais. Mais comme je le dis dans ma chronique, aussi bien pour la TDR que pour l'auto-hypnose, je suis un parfait novice. Hein. J'ai aucune expertise, vraiment. Mais dans les ouvrages que j'ai cités, j'ai pioché quelques notions, tu vois, et des notions qui me parlent, qui semblent correspondre à ce que je pratique déjà de façon naturelle ou de façon empirique. Et j'essaie juste de comprendre. Ok. Et toi, Emir, ça se rapproche de quelque chose que... Enfin, tu peux t'identifier à ça ou pas du tout ? Est-ce que pendant des ultras, tu t'es déjà dit peut-être, là maintenant, je pense qu'à à là maintenant, à ce moment précis, et pas plus loin, sinon j'avancerai pas ou... Ben en fait, non. Moi, j'ai l'impression que je fais exactement... Le faire peut-être, mais de façon inconsciente. Quoi. Ben, je pense que je fais l'inverse. Moi, je fais que me projeter sur le truc d'après. Je fais que... Ouais, c'est ça. Je pense que la méthode que j'ai instinctivement, c'est de penser à l'instant où j'aurai atteint le prochain checkpoint, en fait. Je passe mon temps à me projeter au prochain truc, mais suffisamment proche pour que ce soit atteignable, mais jamais à me dire... Non, je crois que c'est un truc que je fais vraiment pas instinctivement, d'essayer de penser juste à l'instant présent et pas plus loin. À l'inverse, mon instinct, c'est de penser au prochain truc que je vais atteindre, que j'aurais mis derrière, c'est ça, que j'aurais mis derrière moi et qui va me permettre de me dire que j'ai accompli une première chose et que j'avance, quoi. Donc non, je suis instinctivement pas câblé comme ça, en tout cas. J'ai jamais eu l'idée de faire autrement. Et toi, David, j'imagine que tu faisais pas ça avant, et du coup, est-ce que tu peux faire une comparaison par rapport à là, si tu pratiques ça, là, le fait de rester dans l'instant présent par rapport à se projeter à plus tard. Tu as vu une différence ou qu'est-ce que ça t'apporte de différent ? Non, mais j'ai toujours plus ou moins fait ça. Hein. Je comprends l'objectif du prochain checkpoint, mais je veux préciser que ça peut être dangereux de se projeter trop loin, notamment lorsqu'on est, on n'est pas bien. Donc se concentrer sur le prochain checkpoint, ça peut faire avancer. Tandis que se concentrer sur l'arrivée, par exemple, ça peut vraiment couper les jambes. On peut se décourager et mentalement, c'est trop dur. Dans plein de sports, on sait que les objectifs à court terme sont bénéfiques. On prend les matchs les uns après les autres, quoi. Après, les petits objectifs, ça fonctionne bien en course officielle. En entraînement, on peut se créer des petits checkpoints, mais c'est plus difficile. Et donc, on peut utiliser la TDR, par exemple. Alors pour ce que ça apporte de différent, je ne vais pas mentir, hein, ce sont des micro-changements ou des impressions de changement, de trouver plus de calme, de patience, de mieux gérer les douleurs aussi ou les émotions. Je pense quand même que c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Ouais. Et tu penses que, bon, ça sort un peu de la course à pied, mais ça me fait me poser la question. Il faut peut-être aussi s'entraîner à ça en dehors de la course à pied aussi, peut-être, pour en avoir de plus grands bénéfices en courant après, derrière. Enfin, dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu peux l'utiliser, ce genre de choses, peut-être ? Tu veux parler de productivité, c'est ça ? Ouais, ou pas forcément, enfin, dans ta vie, quoi. Pleine conscience, vivre les choses une par une au lieu de... Enfin... Je sais pas, je suis pas sûr d'avoir si bien expérimenté ailleurs. Profiter de l'instant présent. Au travail, on valide des objectifs intermédiaires dans un projet global. Ok, c'est vrai, hein. Ça a l'air de fonctionner. C'est peut-être pas valable pour tout, hein, je sais pas. Mais enfin, après, il faut se dire que toute ma vie tourne autour du running, hein, tu sais. Ah, bah oui, je suis bête, hein. C'est clair. C'était l'avant-dernière chronique ? Non, la dernière chronique. Je sais plus. Je sais pas non plus. Bon, la deuxième technique dont tu parles, c'est l'auto-hypnose. Alors là, c'est un peu plus compliqué, enfin, à mon avis. J'ai l'impression que c'est quelque chose que, là, par contre, on l'entreprend de façon beaucoup plus consciente au départ. Donc ça me paraît demander quand même une bonne concentration, l'auto-hypnose, et ça me paraît être une technique qui n'est pas forcément innée, quoi. Il faut encore une fois s'y préparer, quoi. Oui, on peut mettre en place des choses précises et se préparer, mais ça ouvre aussi beaucoup de perspectives. Tu peux entièrement sortir de la course à pied pour te concentrer sur ton parcours sur Mario Kart, ou revivre une partie, hein, ou rejouer la playlist de ton groupe de death metal. Pour l'auto-hypnose, je parle d'une technique, hein, mais il en existe plein d'autres, je précise quand même. L'idée, c'est quand même d'être dans l'exploration de soi. Est-ce que tu as testé ça aussi alors ? L'exemple en fait, si que tu veux, je ne me suis pas dit, tiens, je vais essayer l'auto-hypnose pour la chronique. Ouais. J'ai regardé ce que je fais déjà et j'ai cherché à le décrire. Mais si ce que je fais n'est pas super conscient ou pas très construit, volontaire, c'est clair qu'il doit y avoir un sens, quelque part. Okay. Je ne peux pas forcément m'empêcher de penser qu'en atteignant ce que je vois au loin, je risque de trouver... telle ou telle chose ou telle personne, précisément, que c'est possible, même si au fond, c'est peu crédible et c'est pas raisonnable. Hein. Et donc, on y va, même si on a des chances d'être déçu, ça fait avancer. Vraiment, j'ai cherché des explications à ce que j'ai l'habitude de faire. Vraiment. Et toi, Emir, t'as déjà fait ce genre de choses ou pas ? Je veux pas être intéressant, mais non. Non. Je veux vraiment pas être intéressant. Je suis dans la découverte. C'est pour ça que je suis aussi très attentif à ce qui se dit. C'est que, ouais. Ouais, c'est que je découvre complètement. Là. C'est une vision que non, qui, je suis jamais arrivé à la porte de cette vision-là. Je l'ai jamais trouvée. Tu es trop occupé quand tu cours. Bah, je pense que moi, disons que j'ai des choses qui passent dans ma tête, mais très souvent, je vais vagabonder un petit peu dans ma tête, je vais me promener là, je vais trouver des sujets qui vont passer devant moi, je vais les saisir comme ça, mais bah, c'est un peu ça, je vais saisir des sujets, mais c'est souvent, je vagabonde sur des sujets externes, en fait, je me mets à penser quelque chose, parfois il y a un peu d'introspection quand même, mais j'ai l'impression de jamais atteindre une sorte de profondeur comme celle que je découvre quand tu parles là, je pense que il y a un niveau de comment dire, ces sujets qui s'approchent de, c'est peut-être pas de la spiritualité, mais ces sujets qui s'approchent de la remise en question de soi-même, de la l'exploration, la peut-être même de la méditation, peut-être, je sais pas si on peut dire ça comme ça, bah c'est des sujets, j'y vais jamais vraiment, Du coup, j'apprends, là, je découvre. En fait, tes pensées ne sont pas un moteur dans ta pratique, peut-être. C'est ce que je comprends. Hein. Mais à part réfléchir à d'autres trucs, c'est pas ça qui va t'inciter à avancer. C'est exactement ça. Ça m'occupe l'esprit. J'ai des sujets qui me passent devant, et puis parfois je décide de les développer comme ça quand ils passent. Donc je réfléchis avec moi-même, mais c'est vraiment sans plus, quoi. C'est pas moteur, c'est... Voilà. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, toi, David, ce que tu dis, c'est que c'est ça, en fait. Tu dis que toi, les pensées. Enfin, tu vas travailler sur les pensées que tu as, tu les exploites pour pouvoir te faire. Enfin, pour que ce soit bénéfique pour ton, pour ta course à pied, pour la course à pied, quoi, ton expérience. Je les exploite. Ouais, et tu t'es posé la question de pourquoi tu faisais ça et pourquoi ça faisait pourquoi il y avait un effet ou pas, quoi, en fait. Non, c'est intéressant. Mais. Du coup, ça me fait aussi penser à quelque chose. Par contre, ça, on en parle assez souvent en ce moment. C'est la visualisation et l'imagerie mentale. On en parle beaucoup dans les préparations pour la course à pied. Ouais, c'est pas exactement de la visualisation ou de l'imagerie mentale. La visualisation, c'est imaginer le geste ou la tâche à accomplir. Ouais, on ferme les yeux, on se voit, on visualise son parcours, le rythme qu'on va imprimer, le temps qu'on va mettre, le mouvement qu'on va produire, etc. On utilise ses sens pour produire une expérience dans son esprit avant de la réaliser ou tenter de la réaliser. Voilà. Et d'après, il y a des études hein, qui apparemment disent qu'on gagne vraiment en efficacité grâce au mimétisme notamment. Si dans l'hypnose on sort de son propre corps, et sortez pas cette phrase de son contexte, c'est moins pour répéter à l'avance ce qui va se passer pour faire. Enfin, c'est moins pour répéter à l'avance ce qui va se passer que pour faire un état des lieux de comment ça va ou pour stimuler l'imagination. Il n'y a pas forcément une concentration sur ce qu'il faut faire pour réussir. On peut tout à fait faire autre chose, pas forcément lié à l'épreuve. Par exemple, on peut se voir en train de parcourir un autre chemin ou en train de jouer la playlist de son groupe de death metal devant 80 000 personnes au Stade de France. Non, mais n'empêche ça. Pour moi, là, la visualisation, tu vois, c'est un truc que j'ai toujours fait sans savoir que ça s'appelait la visualisation. Enfin, maintenant, on en parle, on le synthétise, enfin, on le caractérise et tout ça. Mais ça, par contre, moi, c'est plus naturel pour moi de faire de la visualisation que les deux autres... les techniques dont tu as parlé, toi. Mais c'est autre chose. Parce que, en fait, de réfléchir à comment ça pourrait se passer, ça me permet de me calmer et d'être préparée le jour J, ou si ça arrive, si ça se passe mal, je sais comment je vais réagir. Enfin, je sais comment je vais réagir. J'ai réfléchi déjà. Donc, ça me stresse moins parce que j'ai réfléchi à toutes les possibilités qui pouvaient se passer, quoi. Enfin, plus ou moins. Ah, tu fais de bonnes répètes pour être top le jour du show. T'es une artiste, en fait. Bravo. Oh, tu crois ? Oh, punaise, alors ça ? Jamais on me l'a dit, ça me fait plaisir, là. Ah, t'es pas loin d'Hollywood, hein, comme par hasard. Purée, c'est bon, là, je crois que ma nouvelle carrière est toute lancée, là. Je vais aller voir Steven Spielberg. Et toi, Emir, t'en fais peut-être la visualisation, peut-être, c'est plus facile, hein. Ouais, ça peut m'arriver, ça peut m'arriver, ça fait partie des outils, en gros, que... dans la fameuse boîte à outils, ouais. On va dire que mentale, hein, que j'utilise quand je suis dans le dur vraiment, c'est des choses où pareil, je savais pas que ça s'appelait comme ça, hein, mais voilà, c'est des trucs je fais appel à un petit peu tout ce que j'ai qui peut m'offrir de l'énergie d'une manière ou d'une autre, que ce soit des bons sentiments par la génération de bons sentiments en pensant aux sentiments que je vais avoir au moment où j'accéderai à ce moment qui paraît difficile dans le moment présent, ou alors même ça peut être des mauvais sentiments parfois. J'utilise de la visualisation sur qu'est-ce que ce serait si j'y arrive pas. Je sais pas si on appelle ça de la visualisation aussi, mais en tout cas je visualise les mauvais sentiments que je pourrais avoir si l'issue est défavorable. Et ça me donne un moteur aussi. Enfin, ça fait partie, en gros, des outils que j'utilise pour avancer sur quand c'est dur, quoi. C'est vrai que j'entends souvent parler de visualisation quand c'est positif, quand on parle de visualisation d'un succès. Ah, je sais pas si le vocabulaire visuel... j'utilise plus dans l'autre sens. Plus comme toi, tu le vois dans l'autre sens. Ouais. Plus parce que, justement, ça permet de me préparer pour les moments difficiles, quoi. Je me dis, si ça se passe mal, ben, je saurais réagir, quoi. Je visualise moins le positif. c'est dommage. Je pense que la visualisation du positif, tu t'en sers pour te motiver à obtenir le sentiment agréable. Et la visualisation du négatif, tu t'en sers pour vouloir éviter d'accéder à ce sentiment désagréable que tu auras si tu n'y parviens pas, quoi. Ouais. Et sinon, au contraire, est-ce que vous pensez que c'est possible d'avancer en faisant abstraction de tout, sans penser du tout? Ouais, je pense, ouais. Ouais, c'est possible, ça, ouais. Vous croyez? C'est un outil aussi, je dirais. Moi, j'arrive pas. Un outil d'éteindre son cerveau et d'avancer. Soit parce que c'est très dur, mais c'est souvent d'ailleurs parce que c'est très dur. Je pense que dans mon cas, si c'est très dur, j'essaye de faire abstraction. C'est au contraire de pas scanner mon corps, d'essayer de ne pas le scanner, d'essayer de faire abstraction de ce qui se passe et de juste avancer, quoi. En essayant de déconnecter le maximum de trucs qui me causent du trouble, qui me causent du problème. Et t'arrives du coup à ne pas penser du tout, quoi. Juste t'avances. Ouais, mais ça dure pas longtemps. Ça peut arriver, mais ça peut durer... ça dure jamais... J'arrive jamais dans l'heure avec ça, quoi. Je peux faire des dizaines de minutes comme ça où je fais rien, où j'essaye de penser à rien, juste avancer. Essayer de faire abstraction du fait que j'ai mal pour pouvoir avancer, parce que je sais que je veux accéder à la suite, je sais que je veux accéder à l'accomplissement, mais j'essaye de trouver des astuces pour moins subir les difficultés physiques quand c'est long, quoi, ou même quand c'est court, hein, parfois, quand c'est court et intense. Et sinon, les gars, moi je fais un truc aussi, alors je sais pas si vous le faites, hein, Mais ça m'arrive parfois, quand je cours ou même quand je marche, je sais pas quoi. Comme quand on était petit, des fois on se disait qu'il fallait marcher que sur les bandes blanches sur les passages piétons. Vous ne faisiez pas ça? Que si jamais tu posais le pied entre les deux bandes blanches, ça allait pas aller, quoi. Et des fois, en courant, moi, c'est pareil. Il y a des choses où il faut pas que je touche la SCA, deux plaques de trottoir, il faut que je saute au-dessus. Vous le faites, ça? Oui, oui. Mais en plus, moi, je transmets ça à mes enfants. Je leur dis, si tu ne marches pas sur les lignes blanches, tu te feras manger par les crocodiles. Mais oui, la superstition, personnellement, je classe ça dans la préparation mentale. J'avoue, hein, quand même, je suis assez superstitieux quand je cours dans mon dialogue intérieur. Par exemple, je gère ma foulée de façon à poser le pied droit sur la plaque d'égout qui se trouve à 20 mètres. Et si j'y parviens, ce sera la garantie que ma course sera agréable ou que je réussirai à réaliser le chrono que je me suis fixé ou que je n'aurai pas mal au pied. Voilà. Et il y a aussi quelque chose que je fais quasi à chaque sortie, hein, franchement, les sorties qui ont lieu sur la route, là, sur la vieille départementale ou sur une piste cyclable, en fait, c'est essayer de passer 10 fois l'écart entre deux arbres sans être doublé par une voiture. Donc, si une voiture me double, les deux arbres entre lesquels je suis en train de passer ne comptent pas. Voilà, ils ne comptent pas pour une fois. Voilà, il faut que je réussisse 10 fois. Voilà, c'est un peu délirant, j'avoue, oui, quoi, mais honnêtement, ça fait avancer. Moi, je l'ai aussi. Hein. Je suis pleine de superstitions comme ça. Je sais pas si c'est des superstitions, mais des... Emir, t'as des trucs comme ça, toi aussi? Non, dis-nous qu'on n'est pas fou. Je passe trop à côté de trucs. Non, je loupe trop de trucs dans ma vie. Ma vie, elle est nulle. À cause de nous, Emir, il va être toqué à la fin, tu sais. Il va repartir courir demain, il va se dire, attends, comment j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Où j'ai mis les pieds? Ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé, qu'est-ce qui... Attends, le truc qui se rapproche un peu de ce que vous dites, mais qui est encore dans ce que je disais un petit peu tout à l'heure, hein, c'est ces petits outils de... pour avancer quand c'est difficile. Moi, ça m'arrive de compter les arbres, par exemple. Ouais. Genre, je compte... mais c'est-à-dire, il n'y a pas de superstition derrière. C'est juste, je me dis, ah là, je vais courir, par exemple. Si je suis en train de marcher depuis 10 minutes, parce que je suis dans le dur, à un moment donné, je vais voir des arbres, plus ou moins, qui sont tous à une distance égale. Je vais compter les arbres en unité de course à pied. Ça va pas être en minutes, ça va pas être en mètres, ça va être en arbre. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais me dire, je vais aller jusqu'à l'arbre là-bas. Et quand je suis devant l'arbre, je me dis, en fait, non, finalement, je rajoute deux arbres. Ça, c'est le truc que je fais. Des petites voilà, unités de mesure. Je te confesse, tu es toqué toi aussi, merci. Voilà, bon. Mais la superstition, c'est moins, quoi. C'est-à-dire, je me dis pas, si je m'arrête avant l'arbre, alors il va m'arriver ça. Tu vois, ça, c'est un truc. Ça, je. Non, je suis tu vas y arriver, t'inquiète pas, grâce à nous, tu vas y arriver. Ah, y a aussi un truc qu'on dit à ses enfants quand ils sont malades en voiture. On leur dit quoi? Tu fermes les yeux, ou alors tu fixes un point à l'horizon, tu regardes pas ailleurs. Ouais, donc moi, je leur transmets même ça en bagnole. C'est ça, parfait. Ils vont être trop forts, tes enfants, après. En tout cas, si ça peut stimuler leur imagination, c'est très clair, bien. Wow. Bon, après toutes ces discussions presque métaphysiques, j'ai envie de dire, réancrons-nous dans la réalité en parlant de normalité. Pour introduire la chronique d'Emir, il s'avère que j'ai une anecdote qui tombe très bien, pile dans le sujet. Il s'agit encore une fois d'une phrase de ma maman. Donc début février, je devais courir le marathon de la Death Valley. Et 10 jours avant, un de mes adducteurs donc a décidé de se faire remarquer et je n'ai pas pris le départ de la course. Donc quand j'en ai fait part à mes parents, ma maman n'a rien trouvé de mieux à me dire que « De toute façon, c'est mieux que tu l'aies pas couru. Courir un marathon, c'est pas normal. » Voilà. C'est pas normal, bah oui. Donc, comme je suis attachée à la paix familiale, je n'ai pas épilogué, j'ai changé de sujet. Très bien. Mais je te remercie donc, Emir, de cette chronique que je compte bien faire écouter à ma mère. Oh là. Quand je la verrai. Oh là là. Donc t'as vu, t'as pas la pression. Non, mais je sais pas si elle va se retrouver dans cette chronique à ta maman mardi. Hein. Je pense qu'on est un peu loin, là. Mais ça nécessite quand même de prendre beaucoup de recul. Hein. Je fais un petit disclaimer avant de lancer là-dedans. Ça peut vous prendre beaucoup de recul pour comprendre ce qu'on va raconter dans cette chronique. Hein. On va mettre des définitions sur des mots, on va essayer de s'y tenir, on va essayer d'analyser tout ça. Oh là là, ça... attention. Oula, on est bref. Prêt. Allez, on se lance. Donc, la chronique s'intitule, hein, comme tu l'as dit plus tôt, « La perception de la normalité dépend-elle du niveau de chacun ?» Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Anto, qui est aussi connu sous le nom de Panto underscore Rune, qui nous fait parvenir une question sur le Discord de Jogging Bonito le 8 janvier dernier, ça commence à remonter un petit peu tout ça, et qui est donc l'objet de ma chronique du jour. Alors, sachez aussi, hein, cher Bonito, ce que vous pouvez vous aussi soumettre, et ce, gratuitement, des sujets qui vous inspirent à notre attention et pour éventuellement un traitement dans l'émission. Donc le sujet d'Anto était le suivant, notre perception de la normalité est-elle la même selon notre niveau en course à pied ? Voilà, je vous laisse quand même percuter un petit peu, voilà, normalité, la même, niveau, voilà, ok. Et moi les bonitos, vous me connaissez à force, hein, les sujets à base de réflexion existentielle, à tout ça, ça me parle. Et c'est comme ça que j'ai sauté sur l'opportunité de vous parler du regard des non-coureurs sur les coureurs, du regard des coureurs sur les autres coureurs, et plus généralement, de l'étonnement de tout un chacun sur les pratiques d'autres personnes, et ce, quel que soit le domaine. Dès lors qu'une pratique est en dehors de la perception de la normalité que chacun a. Ah, cette phrase est un peu dure, hein. Mais on va concrétiser, on va essayer d'être un peu plus concret. Pour attaquer le sujet, je me suis senti donc de démarrer moi un petit échange avec Anto sur Twitter, hein, afin de comprendre un petit peu ce qu'il avait mené à cette question, et alors il m'a livré la petite anecdote qui l'a amené lui-même à se questionner. Une anecdote sur sa pratique et sur le regard d'autrui. La voici donc. Anto m'a dit « Après quelques dossards, je me suis décidé à ouvrir un blog, n'est-ce pas David, hein, dédicace pour toi, pour partager mes CR, hein, note de la rédaction CR égale compte rendu, avec les quelques personnes qui me suivent. Je l'avais nommé Anto, simple runner. Voilà. Lorsque j'ai publié mon CR, mon ami m'a fait remarquer que je n'étais plus un simple runner. Je me suis un peu retrouvé sans mots. To be or not to be? That is the question. Voilà. Même à aujourd'hui, je ne saurais quoi répondre, me dit-il. Et oui, je fais des courses plus longues que la plupart des gens, et est-ce pour autant anormal? Voilà, fin de l'anecdote. Et donc dès lors que j'ai pris connaissance de cette petite histoire que m'a raconté Anto quant à son questionnement, je me suis immédiatement dit que tout dépend de la définition, hein, qu'on va mettre sur les mots simples et sur les mots normal. Parce que ces mots, en fait, finalement, on a tendance à les employer instinctivement, mais ils sont pleins de subjectivité, ces mots. Donc je propose de digresser dès le début, hein, de cette chronique quelques instants sur le sujet de la simplicité avant de se lancer dans le sujet très vaste de la normalité. Donc pour moi, Anto n'est pas moins simple parce qu'il s'est lancé sur des courses longues. Réaliser des choses qui ne sont pas à la portée de tout le monde et en même temps rester simple, pour moi, ce n'est pas antinomique. Si c'est une personne qui carbure au feeling, si sa vision de la course à pied est spontanée et naturelle, alors Anto est bel et bien un coureur simple. Je pense qu'il est une erreur, c'est mon avis, de penser que réaliser quelque chose d'exceptionnel, c'est le cas quand on fait un ultra, c'est exceptionnel, ça relève de l'exception, je veux dire, ne peut pas être fait dans la simplicité, ça peut toujours l'être. Et pourtant, c'est vraiment pas difficile de trouver dans de nombreux domaines, dans les domaines sportifs ou non sportifs, des personnes qui sont très avancées et très accomplies et qui restent pourtant très simples. Ces personnes agissent par passion, elles mettent de l'énergie et se développent dans leur milieu tout en restant des personnes spontanées, faciles d'accès et pleines de feeling. Je pense donc clairement que la simplicité n'est pas incompatible avec l'exceptionnel. La normalité, en revanche, si. Du coup, intéressons-nous davantage à la normalité maintenant, qui est pour moi une notion totalement subjective, car elle est dépendante du référentiel dans lequel on se trouve. Je vais commencer par un exemple tout simple et tout bête, en quelque sorte, pour illustrer mon propos. Premièrement, Je vois un type marcher en short et torse nu sur la plage, en Tunisie par exemple, ça me paraît pleinement normal. Je suis dans un lieu chaud, et dans ce contexte, la plupart des personnes sont comme lui. Maintenant, deuxième petit point, je vois un type, toujours le même, pas le même, mais un type, marcher en torse nu, même chose, Wim Hof par exemple, pour ceux qui le connaissent, mais cette fois-ci, c'est dans une expédition en Laponie sur la banquise. Alors là, clairement, là, on est dans l'exceptionnel. Alors, c'est la même chose, même situation, un type torse nu marche, dans un cas sur une plage, dans l'autre en Laponie. Alors là, donc là, c'est la même chose, mais en fait non. Donc la normalité est nettement dépendante du contexte, que ce soit géographique, dans le cas que je viens de citer, social, culturel, et j'en passe. Donc la norme se trouve dans l'ordinaire, elle est le caractère de la majorité dans un contexte précis. L'exceptionnel, à l'inverse, c'est le caractère de ce qui sort de l'ordinaire, ce qui n'est pas réalisé par la majorité. Pour revenir un peu dans le monde de la course, il est très facile d'être perçu comme le coureur du groupe dans des groupes sociaux qui ont un regard extérieur sur la course à pied. Et tout simplement parce que ces groupes sociaux vont avoir une vision de la norme qui se base essentiellement sur des pratiques de non-coureurs. Et quand on construit sa norme sur des non-coureurs, bah naturellement, on est très impressionnable quand on voit un spécimen de coureur. Par exemple, une personne qui va être capable de se lever à 5h du mat pour aller courir, elle est exceptionnelle. Une personne qui va courir 5 fois par semaine, elle est exceptionnelle. Une personne qui va être capable de courir un semi-marathon d'une traite sans marcher, elle est exceptionnelle. Du coup, les échanges des membres de ce groupe de non-coureurs envers le spécimen de coureur, ils vont être essentiellement orientés sur leur étonnement quant à la pratique de cette personne. Un étonnement qui va susciter beaucoup de questions. Parfois de l'admiration. Waouh, quel courage de faire autant de sport! Parfois du mépris, alors ouais, moi je pourrais pas courir après rien comme ça, et plus rarement, de l'indifférence. Ouais ok, bah c'est rare, mais bon, après il fait ce qu'il veut, hein, c'est son truc. Maintenant, admettons que je me positionne dans un groupe social constitué de personnes ayant déjà couru un marathon cette fois-ci. Alors là, d'un coup, la perception de la normalité, elle est nettement différente. Un individu du groupe qui est capable de courir le semi-marathon d'une traite, ça n'a plus rien d'exceptionnel. Ce qui est donc une particularité dans un groupe social différent, ça se range maintenant complètement dans la norme. Maintenant, admettons que dans ce groupe, un membre est capable de courir le marathon en 2h05. Et bien là, d'un seul coup, il retrouve ce caractère exceptionnel puisque très peu sont capables de réaliser la distance avec une telle vitesse. Et là, du coup, ces mêmes échanges des membres du groupe envers le spécimen exceptionnel vont apparaître, mais à un niveau tout autre. Beaucoup de questions, parfois de l'admiration. Wow, quelle vitesse! Il doit s'entraîner dur! Parfois du mépris. Alors là, il doit y passer sa vie pour avoir un tel niveau, moi je pourrais pas faire autant de sacrifices. Et plus rarement, de l'indifférence. Ouais, ok, c'est rare, mais bon, il fait ce qu'il veut, hein, c'est son truc. Maintenant qu'on a vu que la normalité et le caractère exceptionnel dépendent nettement du milieu, attardons-nous davantage sur les types de réactions possibles face à l'exceptionnel. On l'a vu, il y a trois grandes façons de percevoir ce qui est hors norme. Alors, ceci n'est pas de la science, hein, ça vient un petit peu de ma tête. Hein, si vous cherchez un livre sur lequel on parle des trois grandes façons de percevoir le hors norme, vous ne le trouverez pas. Ou alors j'étais en symbiose avec un auteur quelque part. Voilà. Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'acronyme là-dessus. Voilà, ça sort de ma tête, je précise. Donc, soit le caractère hors norme observé est attirant pour la personne qui la reçoit, soit elle laisse indifférent, soit elle est méprisée. C'est les trois cas qu'on vient de voir. Une chose hors norme attirante va souvent inspirer un sentiment de respect envers la personne qui la réalise. On va éventuellement se dire que l'on aspire à la même chose et que cette personne peut être prise pour modèle. Par exemple, personnellement, quand je vois des personnes capables de rester fit, svelte, stylée toute l'année et de maintenir une régularité sans faille à l'entraînement, et ben moi je suis impressionné. Car j'y aspire en fait, mais je n'y arrive pas. J'éprouve donc du respect pour ces personnes, qui parviennent à faire quelque chose que j'aspire à faire également, mais sans y arriver. Autre cas, si la chose hors norme laisse indifférent, on peut constater le caractère exceptionnel d'une chose tout en n'ayant ni chaud ni froid. Je peux croiser demain le champion du monde de lancer de patates, je vais sûrement apprécier sa dévotion dans ce milieu, mais étant donné que le lancer de patates m'intéresse moyennement, je ne vais pas m'attarder. Hein, voilà. C'est bizarre quand même, ça a l'air passionnant. Ouais, peut-être, c'est sûrement un domaine qui intéresse beaucoup de personnes, mais en ce qui me concerne, voilà, je ne m'y attarde pas beaucoup. Voilà, et en, le dernier cas, c'est le mépris. Donc, enfin, donc si la chose hors norme est méprisée, alors c'est là qu'on va souvent retrouver des phrases typiques de haters ou de liées au purisme, voilà, à savoir les trucs du genre « Quoi, mais il n'y a rien de mieux à faire de sa vie, quoi ? Mais quelle honte il fait à notre milieu ! Mais quelle honte ! Mais franchement, le jeu en vaut vraiment pas la chandelle. » Voilà, je fais bien le haters aujourd'hui, je suis pas peu fier de ma petite prestation, le hater. On est content de te retrouver avec tes petites voix là, ça nous plaît. Ah, merci, moi aussi je suis content de me retrouver. c'est la raison pour laquelle hein, lorsque vous faites part d'un caractère hors norme à quelqu'un ou qu'un groupe social s'en aperçoit, vous récupérez toujours un petit cocktail de ces trois types de réactions hein, qui sont influencées par notre perception, qui elle-même est directement influencée par notre niveau de connaissance dans le domaine concerné. Donc vous l'avez compris les bonitos, moi je pense clairement que notre perception de la normalité elle dépend de notre niveau de connaissance et ou de notre niveau de pratique dans ce milieu. Ma perception de l'exploit en course à pied est différente de celle de mon pote Dédé qui fait dans le sport automobile, et à l'inverse, ma perception de ses exploits au volant sont clairement différents de la sienne. Moins on a de niveau dans un domaine, plus on est impressionnable, et plus le trigger, plus le déclencheur du hors-norme sera facilement atteint. Et enfin, plus on est averti dans un domaine, moins on est impressionnable, et plus le seuil du hors-norme sera repoussé. Cher Bonito, moi ce que je conclue de tout ça, c'est que vous êtes toujours, toujours condamné à être dans vos cercles sociaux non coureurs, à la machine à café ou chez Belle Maman, le taré de course de service. Heureusement, vous avez vos potes du running, un référentiel dans lequel vous êtes de nouveau normal et vous pouvez parler librement sans susciter d'interrogations, d'interjections, de remarques admiratives ou déplacées. Car oui, une des caractéristiques fondamentales de la norme, c'est qu'elle ne fait pas parler d'elle. Le running, un refuge ? Ah ouais, ça dépend pour qui, ça dépend du groupe social dans lequel tu te trouves. Hein. Et ça dépend de tes caractéristiques. Voilà. Et Jogging Bonito, tu crois que c'est dans la norme alors ? Bah non, puisque c'est le premier podcast de course à pied, donc le plus exceptionnel. Il est tout sauf dans la norme, personne ne le fait, ouais. Très peu de gens sont capables de réaliser une émission d'un tel acabit, donc non, si on en croit la définition développée dans cette chronique, ça relève clairement de l'exceptionnel. Oh, nous sommes exceptionnels les gars, on est bon. Ah bah oui, non, les mots sont, voilà, soyons factuels, 2 minutes. Factuels, exactement, tout à fait. On est d'accord, tu es d'accord David ? Sur les mots ? Ça dépend desquels. Ça sert à quoi de lui demander s'il est d'accord ? Est-ce que tu es d'accord qu'un plus un, ça fait deux, oui ou non ? Oui, non, on n'a pas besoin de te poser la question. C'est pas si simple. Attends, il va partir en auto-hypnose pour savoir. Je refuse de tomber dans la simplicité. On sait pas trop. Merci à Anto, qui est une personne exceptionnelle, car il est auditeur de Jogging Bonito. Oui. Exactement. Exact. Et vu que ce n'est pas encore la norme, hein, malheureusement... Écoutez Jogging Bonito. Enfin, ça dépend dans quel groupe social, bien sûr. Bref, ne refaisons pas la chronique. Je précise tout de même que le blog de Danto, Simple Runeur, a été aboli. Ah, voilà. Donc, il ne justifie pas sa pérennité par quoi que ce soit. Si vous le cherchez, vous ne le trouverez pas. On réagit d'abord sur le terme normal ou simple ? Simplicité d'abord. Vous, qu'est-ce que vous mettez derrière ça ? Qu'est-ce que tu mets derrière ça, toi, David ? Simplicité. Alors, si être simple, ça signifie rester humble ou accessible pour une personne habituée à être mise sur un piédestal par ses fans, par sa communauté, parce qu'elle réalise des choses à la portée de très peu de personnes, en fait, je dirais que oui, c'est possible, c'est même souhaitable de rester humble. Donc, la notion d'humilité, moi, j'adhère. Anto, avec le sous-titre de son blog, a peut-être voulu prendre des précautions pour ne pas être jugé trop sévèrement. Et il a peut-être fait preuve d'un excès d'humilité, car pour moi, c'est une qualité qui doit être universelle. Et je vois pas trop à partir de quel moment ça devient louable de se la péter. Donc, j'adhère complètement à ce qui a été dit par Émir sur la simplicité. En revanche, c'est sur le mot normal que j'apporterai un bémol. Déjà, courir, ça fait partie de nos attributions naturelles, donc c'est quelque chose de relativement normal, je trouve. Et si dans un pays qui compte 66 millions d'habitants, on a un cinquième ou un quart des gens qui pratiquent occasionnellement ou régulièrement la course à pied, est-ce qu'on est si singulier en courant? Je pense que c'est plutôt normal pour le coup. Sachant plus que d'après une étude réalisée auprès d'un échantillon représentatif, c'est-à-dire auprès de ma propre personne, les coureurs s'initient de plus en plus à des distances de plus en plus longues. Alors maintenant on peut dire qu'on est plutôt encore, enfin maintenant on peut dire qu'on est encore moins singulier. C'est pas se retirer des mérites, hein, mais je trouve que c'est sain que les mérites ne soient pas ou plus indexés sur le volume. Sinon, Émir l'a dit, les définitions et les interprétations dépendent du contexte. Ben moi, par exemple, au travail, c'est un cercle social à part entière, hein, auquel j'appartiens, j'observe que la plupart des nouvelles recrues pratiquent la course à pied ou le trail. Et franchement, c'était pas vraiment courant avant, hein. C'est en train de changer, j'ai l'impression. Et peut-être que dans 10 ans, à la machine à café, on dira sérieux, t'as vu Jean-Yves, le petit nouveau à la compta, il court même pas, lui. Par rapport à la normalité, il y a un dernier truc important que je voulais dire. Pour moi, c'est une notion qui tend à évoluer. Elle correspond de moins en moins à la question du nombre ou de la majorité. Moi, je parlerais plutôt de niveau d'acceptation de la société, ou pour la société. En France, il y a un exemple assez clair, hein, pour sortir de la course à pied. Depuis 2015, oui, 2015 ou 2013, il y a eu, je crois, 40 000 mariages homosexuels. Ça pourrait paraître anecdotique et on pourrait donc considérer que le mariage, c'est clairement un truc d'hétéro. Mais il y a aussi une majorité de Français qui l'acceptent. Ça devient inepte de parler de normalité et maintenant on va apprendre à nos gosses que le mariage pour tous atteint un haut niveau d'acceptation pour la société. Je comprends, c'est le sujet de l'acceptation des minorités, du coup, par la majorité, là, dont on parle un peu. C'est le sujet de la tolérance des minorités, en fait. Je sais pas si. Ouais, si, ça se rejoint. C'est pas exactement pareil, mais ça se rejoint, ouais. Il va y avoir des minorités dans certains groupes sociaux aussi, mais elles peuvent très bien être acceptées et pas faire l'objet de jugements, à l'inverse, voilà, être acceptées en l'état et être. Je ne le nie pas, hein, mais je pense que dans certains cas, c'est en train de changer. Et c'est pas plus mal, je trouve. Ouais, ok, on ajoute ça à notre définition de la normalité, alors on est d'accord. Et moi, j'avais envie de revenir sur. Tu parles des réactions que les gens ont par rapport à l'exceptionnel. Donc, tu dis qu'il y a trois types de réactions, et je pense qu'on est tous d'accord, enfin, on a déjà eu ce genre de réaction. Soit quelqu'un qui est très curieux par rapport à ça, soit quelqu'un qui est indifférent, soit quelqu'un qui est méprisant, ou qui montre du mépris par rapport à ça. Donc vous, comment vous réagissez déjà, vous, par rapport aux gens qui... Bah, aux différentes réactions, du coup. Est-ce que ça vous fait quelque chose quand vous avez une personne qui vous dit « Ah ouais, c'est super ce que tu fais, c'est exceptionnel », qui est super curieux, ça vous fait quoi? Ça dépend. Ouais, vas-y, David. Bah, je dois dire que maintenant, je le prends avec un certain détachement. À base, moi, j'ai toujours eu du mal à accepter les compliments. J'évacue toujours ça avec des pirouettes qui peuvent paraître parfois impolies. Mais c'est plutôt de la gêne, hein. Dès qu'il s'agit de me valoriser, j'évacue ou voilà, ou alors j'explique à l'autre que lui, enfin que c'est lui que je trouve exceptionnel, quoi. Donc il y a autre chose. J'ai l'impression d'être assez juste quand je juge ce que je réalise. Donc je relativise beaucoup les compliments. L'enthousiasme en général me gêne, surtout que j'ai l'impression de savoir détecter quand c'est surjoué. Après le mépris en lui-même n'a pas tellement d'intérêt. L'indifférence, c'est pas mal, je trouve. Moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui n'idolâtrent pas ou qui n'ont pas particulièrement d'avis. Voilà. C'est bien de savoir relativiser, moi, je trouve. Et pourtant, enfin, de mon point de vue, c'est quand même le genre de réaction le plus rare, en fait. Très souvent, les gens vont être tranchés d'un côté ou de Ouais, l'autre. c'est vrai. C'est un côté ou de l'autre, ouais. Mais je te rejoins sur le fait que je trouve que ça traduit, c'est souvent la réaction la plus réfléchie, peut-être la moins spontanée, celle qui nécessite d'avoir du recul, et du coup le recul étant moins donné à tout le monde que la spontanéité, ben voilà, on le retrouve moins ce genre de réaction. Pareil. Je voudrais revenir sur le fait là, quand les gens sont curieux ou super... impressionné par ce qu'on fait, tout ça. Moi, je suis un peu comme toi, David. Moi, ça me met un peu mal à l'aise, en fait, quand les gens me disent « Oh, c'est super ce que tu fais et tout », parce que, comme tu le dis, en fait, moi, je pense que chacun fait des choses différentes et chacun peut... Je dis toujours qu'on est le badass de quelqu'un d'autre. On est toujours le badass de quelqu'un d'autre. Donc, et on a toujours un badass aussi en vue, quoi. Donc, il faut tout remettre en perspective toujours, quoi. C'est pas parce que nous, on court que... En plus, sans remettre en question la sincérité des gens, quand tu sais que les personnes ne savent pas trop de quoi elles parlent, quelle valeur attribuer, quoi, à part la bienveillance et la sincérité. C'est très intéressant, je trouve, cette remarque. Ouais. C'est tout fait ça. C'est l'évaluation de quelqu'un, que quelqu'un fait sur toi, mais que tu sais pertinemment que c'est une personne impressionnable, elle a tendance à te ricocher dessus, parce que ton niveau de... Ah, c'est peut-être un tort, hein. C'est peut-être un tort, hein, ouais. Mais je pense pas que ce soit un tort. C'est-à-dire, si une personne est impressionnée par... Disons que toi, tu es averti dans un domaine, il y a 100 niveaux, tu es au niveau 60, par exemple. Donc tu as un niveau d'évaluation de ce qui se passe en dessous et ce qui se passe au-dessus. Si une personne est au niveau 1 et qu'elle te dit « Waouh, c'est mortel, t'es au niveau 60 », ok, mais... Même un niveau 10, il serait impressionné, et du coup, elle n'a pas le niveau de détail de ce qui se passe entre le niveau 10 et le niveau 60, par exemple, et encore moins de ce qui est entre le niveau 60 et le niveau 100, alors que toi, tu le vois très bien. Et du coup, avoir une remarque positive de quelqu'un qui a moins de vision que toi, et de quelqu'un qui a un niveau, qui est beaucoup plus impressionnable que toi, je pense que c'est normal que ça tricoche un peu dessus. Si la personne est impressionnable, parce qu'elle connaît moins le sujet que toi, alors tu pondères son avis, parce que son avis tu le filtres en quelque sorte. Tu dis bon, c'est vrai, je prends en compte ce qu'elle dit, cette personne est impressionnée, d'accord, dans son référentiel je suis impressionnant, en attendant est-ce que ça me valorise particulièrement? Non, puisque quelqu'un d'un moins bon niveau ou d'un meilleur niveau, elle aurait fait certainement l'objet de la même remarque par cette personne, en fait. Du coup, tu n'es pas évalué à ta juste valeur en quelque sorte, parce que tu es juste quelqu'un de plus impressionnant dans ce domaine. Moi, je sais pas si c'est clair tout ce que je raconte, mais il n'y a pas de distinction des niveaux de voilà, une personne qui est au niveau 1, elle est impressionnée pareil par un 20, un 40, un 60, un 80, quoi. De toute façon, c'est impressionnant. Donc il n'y a plus de distinction après, à un moment donné, quand tu pars de trop peu de connaissances d'un domaine. Mais le problème, finalement, c'est ton auto-évaluation. Enfin, va estimer le niveau de connaissance d'une personne. C'est pas toujours évident, hein. Si toi, tu as tendance à te sous-évaluer, enfin, tu n'es pas forcément plus objectif qu'une personne qui a émis un avis en étant au niveau 1, comme tu l'as dit. Enfin, c'est pas si évident. Ouais. Ça, il faut, ouais, moi, il faut pas oublier que, malgré tout, enfin, il faut quand même le prendre en compte, parce que ça nous permet de sortir justement un petit peu de nos cercles de coureurs. Même si la personne, elle connaît rien à la course à pied, elle est impressionnée par ce que tu fais, ça te fait... Tu prends un peu en arrière et tu te dis « Ah ben ouais, quand même, enfin, courir, c'est pas si... Enfin, courir un marathon, c'est pas si facile, ou courir un 6 km, c'est pas aussi commun. » Et ben ouais, il faut le prendre, cette... ce compliment et le, enfin voilà, le, comment dire, l'utiliser, comment, enfin, ça fait plaisir, quoi. Ouais. Je pense au final que pour estimer la valeur, on doit accorder un max de crédit au critère sincérité. En plus, une personne qui s'y connaît beaucoup formulera peut-être un avis plus dur, plus snob, plus cassant. En tout cas, avec également des biais, ouais, et de la subjectivité. Est-ce qu'on est sûr que cette personne a plus de crédit que la personne au niveau 1? Je sais pas trop. Ouais. Enfin, tout compliment est bon à prendre. C'est ça qu'il faut se dire. Que la personne, c'est à partir du moment où la personne qui fait un compliment ou qui est impressionnée et sincère, je pense qu'il faut le prendre, quoi, le compliment. Et par contre... On a parlé un peu de l'indifférence, du coup, la réaction d'indifférence. Et moi, j'aimerais bien revenir sur l'autre réaction qui est le mépris. Parce que pour moi, ça, c'est un truc... ça me fait réfléchir parce que je me dis, quelqu'un qui est méprisant, qui réagit avec mépris, à mon avis, le problème, il n'est pas chez nous, il est chez lui, quoi. Il s'interroge sur eux et il y a peut-être un peu de jalousie, de culpabilité ou de complexe en eux. Ça peut aussi les stimuler hein, et leur donner envie malgré tout. Ouais. Je suis d'accord et je me permets juste de faire une petite remarque. Je me suis permis dans cette chronique de donner un exemple personnel d'admiration, de respect en quelque sorte. Je me suis aussi permis de donner un exemple personnel d'indifférence. Mais ce que je n'ai pas fait, c'est donner un exemple personnel de mépris, parce que je m'y refuse, parce que j'estime que ce sentiment n'a pas sa place du tout. Parce que le mépris, pour moi, c'est juste la traduction d'une fermeture d'esprit, en fait. Donc, vu que je m'interdis, en quelque sorte, d'avoir l'esprit fermé, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais vous comprenez l'idée, bah je n'ai pas donné d'exemple, justement, sur ce point-là. En tout cas, pas d'exemple personnel, pardon. Voilà, c'était volontaire. Et du coup, moi, je pense que les gens qui réagissent comme ça, c'est un moyen de défense, à mon avis. C'est parce que peut-être le fait de nous voir faire des choses leur montre à eux un miroir qu'eux, ils ne le font pas. Alors peut-être ils ont envie de le faire et ils ne le font pas parce que c'est trop dur, hein, peut-être. Il faut se bouger le huc. parce que ça les fait se remettre en question aussi dans leur façon de faire. Ou parce que c'est de la jalousie, ou parce qu'ils veulent pas se mettre en face de leur contradiction et leur faiblesse, peut-être aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, je pense que avec le temps, hein, parce que quand on commence à faire du contenu sur Internet, ça vient très rapido, les réactions méprisantes, ce genre de choses, les réactions qui vont mépriser ce que vous êtes ou vous juger. Vous jugez sur des choses que vous pensez pas être du tout, que vous n'êtes même pas du tout peut-être. Ça arrive tout de suite. Donc au début ça pique, mais je pense que rapidement on se fait une carapace. Sinon on peut pas rester public. À un moment donné on peut juste pas quoi. Parce que se faire taper dessus, se faire rouler dessus, soit on se fait vite une carapace et on survit, soit on disparaît d'Internet quoi. Donc je pense que... Ah ouais, toi tu parles sur Internet. Moi je pensais plus à des gens en face à face. Je parle sur Internet. Mais... Ah, en face à face, en face à face, les réactions de mépris. Ouais, je pense que c'est pareil. Hein. Là je parlais d'Internet parce que voilà, je pense que Internet c'est quand même un endroit où des réactions de mépris, tu peux t'en manger à beaucoup. Ouais, mais c'est plus facile quoi, disons. Parce que je me dis qu'une personne qui en face à face a une réaction de mépris, c'est plus rare parce que... C'est plus rare, mais ça existe. Et là je trouve que c'est pareil. Pour moi c'est pareil, il faut une carapace. Il faut une carapace par rapport à ça. Je pense que, si en face de moi, j'ai des personnes... j'ai des personnes méprisantes, je pense que j'en vois. Hein. J'en vois, hein. Ça arrive. Hein. Des personnes méprisantes... Tu rentres dans le débat malgré tout, parce que moi, des fois, je laisse tomber. Je n'ai pas la peine de discuter. Pareil. En fait, tu te dis, je vais nulle part. Vu la qualité, entre guillemets, de la réaction, tu iras nulle part. Donc, ça ne sert à rien de rentrer dans le machin. Si tu prends une remarque désagréable, je pense juste dire, bon, c'est ton avis, j'ai le mien, je sais pourquoi je fais ça, merci, au revoir. Ouais. Tu t'apprendras rien à cette personne, elle t'apprendra rien non plus. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut juste pas perdre son temps, quoi. Mm-mm. En fait, ce qui peut aussi mettre mal à l'aise, au-delà du mépris, bien sûr, ce sont les railleries qui pourraient provenir de personnes proches ou qui ont de l'amour pour vous. Ouais. Je me suis déjà retrouvé dans cette situation, hein. À part le malaise ou l'évacuation du sujet, lâchement, et il n'y a pas trop de solutions. Ou alors le clash, la violence, le crime, que sais-je. Exactement. Mais tu sais que moi, j'ai tendance à penser que c'est difficile d'avoir une discussion avec des gens qui se sont proches, hein, parce qu'ils vont rester sur leur position, tu vois. Mais malgré tout, ils vont continuer à réfléchir derrière. Et puis, ils vont en entendre parler avec d'autres personnes qui le respectent peut-être plus que toi, entre guillemets. Enfin, c'est pas qu'ils te respectent pas, mais parce qu'ils te connaissent plus, quoi. Et au fur et à mesure, ça va faire son chemin dans leur tête aussi, quoi, tu vois. Oui, ils vont peut-être même te valoriser auprès d'autres personnes quand tu as le dos tourné. Derrière, dans le dos, ouais, voilà. Alors qu'en fait, devant toi, ils ne le font pas, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, nous, on méprise pas nos bonitos. Et on a envie de leur dire qu'on était très très heureux de les retrouver pour cet épisode. Bon, nous allons donc vous faire passer un petit sondage, les bonitos, pour que vous puissiez nous dire si vous souhaiteriez qu'on se rencontre en avril sur Paris. Donnez-nous vos suggestions, bons plans, idées pour cette rencontre. Et coureurs du Marathon de Paris, ben, faites-vous connaître, hein, la team Jogging Bonito sera in the place. Donc comme je disais, sur le bitume ou sur le trottoir, on verra ça. Si ça vous dit de la courir tranquillement, on sera là pour ça. Non, c'est... attention, je sais, t'as rigolé ? Non. Moi j'ai rigolé, moi. C'est rigolo sur le trottoir ou sous un pont peut-être d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai dit, j'ai entendu rigoler David et je me suis dit non. Non, ne le prenez pas. Non, c'est plus la team bidonville sera peut-être en train de picoler sous un pont, hein, on sait jamais. Si le marathon nous a saoulés, ouais, c'est ça. Ah, bref. Pardon, ça part en vrille. Excusez-moi. Bon, j'aurais dû dire en tant que supporter plutôt, voilà. C'est ça. c'est ce que je voulais dire. Hein. Ouais. Bon, rejoignez-nous les bonitos sur Discord, hein, on a déjà commencé à aborder tous ces sujets par là-bas. Et enfin, bah, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Personnellement, c'est toujours un plaisir pour moi de découvrir le texte de Renan, les fantaisies visuelles de Nicolas et les petites surprises qui sont ajoutées ici et là par David. Bon les guys, on se retrouve bientôt quand même, j'espère. Pas aussi long que la dernière fois quand même. Ouais, promis. Okay, ça dépend, on est quand même pas mal occupés, hein, dans nos vies. Ouais. Je plaisante, c'est avec plaisir. Bon, bah, très bien. Bon, à plus les bonitos. Continuez à envoyer du love sous la forme de 5 étoiles sur iTunes et on se dit à très bientôt. À bientôt. Ciao. Salut les bonitos.